Chapitre 22e, le poulain. Au moment où Miss Thorne quitta la salle à manger, Eleanor n'avait pas l'intention de lui faire connaître ce qui s'était passé. Mais quand elle fut assise sur le canapé, près de son hôtesse, son secret lui échappa presque à son insu. Eleanor eut mal joué le rôle d'une hypocrite. Il lui fut impossible de continuer à parler de M. Harbin comme d'un étranger, tandis que son cœur était plein de lui. Quand Miss Thorne, poursuivant son projet avec un zèle discret, demanda à la jeune veuve si, selon elle, ce ne serait pas une bonne chose pour M. Harbin d'être marié, elle ne put qu'avouer la vérité. « Je le suppose, » dit-elle, et comme Miss Thorne insistait sur cette idée, « Oh, Miss Thorne, » dit Eleanor, « il va se marier, nous sommes engagés l'un à l'autre. » Miss Thorne savait bien qu'un engagement de ce genre n'avait pas été pris encore le matin, tandis qu'elle se promenait avec Eleanor. Elle était certaine aussi, d'après ce qu'elle avait entendu dire, qu'aucun préliminaire n'avait préparé ni annoncé un engagement de ce genre. Elle fut donc surprise, comme nous l'avons dit. Néanmoins, elle embrassa Eleanor et la félicita cordialement. Eleanor n'eut pas l'occasion, ce soir-là, de parler en particulier à M. Harbin. Miss Thorne fit tout son possible pour leur ménager un tête-à-tête, mais M. Thorne, qui n'était pas au courant de l'affaire, et un ami de M. Thorne déjouèrent ses bonnes intentions. La pauvre Eleanor dut donc aller au lit sans recevoir de M. Harbin de nouvelles marques d'affection. Le lendemain, elle était levée de bonne heure. Il était probable, pensait-elle, qu'en descendant un peu avant l'heure du déjeuner, elle trouverait M. Harbin seul dans la salle à manger. N'aurait-il pas, de son côté, la même pensée? Dans cet espoir, Eleanor était déjà habillée une heure avant le moment fixé pour les prières du matin. Elle ne descendit pas néanmoins tout de suite. Elle ne voulait pas paraître trop impatiente de voir celui qu'elle aimait, quoique son impatience fût extrême. Elle s'assit donc à la fenêtre, regardant sans cesse à sa montre et s'occupa de son enfant. Elle crut pouvoir enfin descendre. Arrivée à la porte de la salle à manger, elle s'arrêta un moment, hésitant à tourner le bouton. Mais la voix de M. Thorne la décida à entrer. M. Thorne et M. Harbin étaient debout devant la cheminée, discutant les mérites d'un poulain. Ou plutôt, M. Thorne dissertait, M. Harbin écoutait. Cet intéressant animal avait frotté le moignon de sa queue contre le mur de l'écurie, ce qui avait effrayé beaucoup le palefrenier. Si Eleanor avait tardé de quelques minutes, elle eût trouvé M. Harbin seul. M. Thorne aurait été à l'écurie. En voyant entrer Eleanor, M. Thorne dissimula son inquiétude. Il fallait bien que le poulain se passât de lui. Ils restèrent donc tous trois à dire des rien ou à ne rien dire du tout, jusqu'au moment où M. Thorne, ne pouvant demeurer plus longtemps dans cet état d'anxiété au sujet de son poulain favori, fit à Mrs. Ball des excuses cérémonieuses et partit. Au moment où il ferma la porte derrière lui, Eleanor souhaita presque qu'il fût resté. Ce n'est pas que M. Harbin ne lui fit part, mais elle ne savait trop comment lui parler. Il l'eut bientôt tiré de cet embarras, s'avançant vers elle et lui prenant les deux mains. « Ainsi, Eleanor, dit-il, nous serons mariés femmes, c'est bien convenu. » Elle le regarda, et ses lèvres sans rien articuler formèrent un monosyllabe qu'il lut facilement. « C'est une grande marque de confiance, dit-il. « Oui, sans doute, dit Eleanor se méprenant sur sa pensée. C'est la marque d'une grande confiance que je m'appliquerai à mériter. Moi aussi, je ferai tous mes efforts pour la mériter, dit avec solennité M. Harbin. Puis, entourant de son bras la taille d'Eleanor, il regarda le feu, tandis qu'Eleanor, la tête appuyée sur son épaule, se sentait heureuse dans cette position. Ils ne parlèrent ni n'éprouvèrent le besoin de parler. Tout ce qu'il leur avait été nécessaire de dire, ils l'avaient dit. Il leur restait maintenant à savourer la jouissance d'un amour désormais assuré. Et quelle n'est pas l'intensité de cette jouissance, de combien elle surpasse tous les plaisirs que Dieu a accordés à ses créatures, et avec combien plus de délices est-elle ressentie par le cœur d'une femme. Quand le lierre a trouvé sa tour, quand le grimpereau délicat a trouvé son mur solide, nous savons combien ces plantes parasites se développent et prospèrent. Elles n'étaient point créées pour étendre leurs branches dans le vide et endurer, sans protection, les ardeurs du soleil d'été et les tempêtes de l'hiver. Seules, elles n'auraient pu que ramper sur le sol, inaperçues dans l'ombre. Mais quand elles ont trouvé leur solide support, que leur beauté est merveilleuse. Qu'est la tour sans le lierre, quelqu'un au mur de jardin sent le jasmin qui le pare et le parfume. » Éléanore se glorifiait dans l'amour dont elle savait être l'objet. Elle sentait que l'amour d'un tel homme était un honneur pour une femme. Elle serait restée ainsi pendant des heures, dans l'étreinte de ce bras qui la serrait de plus en plus, si le destin de M. Thorne l'eût permis. Que lui faisait maintenant l'arrogance de l'archidiacre, la froideur de sa sœur, la faiblesse de son père, la duplicité d'une Charlotte Stanhope? Elle avait trouvé le bouclier qui devait la protéger contre les injustices humaines, le pilote sûr qui guiderait sa barque à travers les écueils et les rochers de la vie. Elle déposerait le lourd fardeau de son indépendance pour reprendre la position et les devoirs d'une maîtresse de maison, d'une femme confiante et aimante. Tous deux concilieraient le feu comme s'ils eussent pu y lire leur destinée. Enfin, Éléanore le regarda. « Que vous êtes triste, » dit-elle en souriant. Et en effet, son visage était, sinon triste, au moins sérieux. « Comme vous êtes triste, mon amour. » « Triste ? » dit-il en abaissant les yeux sur elle. « Non, certainement pas triste. » Et il regardait avec un doux sourire les yeux qui le considéraient avec amour. La tentation fut trop forte même pour sa timidité. Se penchant sur Éléanore, il imprima ses lèvres sur les siennes. Aussitôt après, M. Thorne reparut et ils furent charmés d'apprendre que la queue du poulain n'avait pas subi de dommages graves. M. Harding avait eu l'intention de courir à Eula Thorne aussitôt après son retour de Barchester, afin de s'assurer l'appui de sa fille dans la révolte qu'il méditait contre l'archidiacre au sujet de l'acceptation du titre de doyen. Mais ce second voyage lui fut épargné par le retour inopiné de Mrs. Bold. Aussitôt qu'il eut lu son billet, il se rendit chez elle et la trouva qui l'attendait. « Ma chérie, je suis impatient de vous voir, » dit M. Harding en embrassant sa fille. « Oh, papa, j'ai tant de choses à vous raconter, » dit la fille, rendant à son père ses baisers. « Ma chérie, ils m'ont offert d'être doyen, » dit M. Harding, arrêtant sur les lèvres d'Éléanore, par la soudaineté de cette nouvelle, le récit que celle-ci allait commencer. « Oh, papa !» s'écria-t-elle, oubliant son amour et sa joie du moment, pour ne penser qu'à son père. « Oh, papa, est-ce possible ? Cher papa, que je suis heureuse !»« Mais, ma chérie, je crois devoir refuser. » « Oh, papa ! Je suis sûre que vous serez de mon avis, Éléanore, quand je me serai expliqué. Vous savez combien je suis vieux et, si je vis, je... »« Papa, il faut que je vous parle de moi. »« Quoi, ma chérie ? Je ne sais comment vous le prendrez. »« Prendre quoi ? Si vous ne vous en réjouissez pas, si vous n'en êtes pas heureux, si vous ne m'encouragez pas, j'aurai le cœur brisé. »« Si tel est le cas, Nelly, je vous encouragerai certainement. »« Je crains que non. Et cependant, sachez-le bien, je suis la plus heureuse femme de la terre. »« Vraiment, chérie ? Alors je me réjouirai assurément avec vous. »« Voyons, Nelly, dites-moi ce que c'est. »« Je vais... » Il la conduisit au canapé et, s'asseyant près d'elle, il lui prit les deux mains. « Vous allez vous marier, Nelly, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle d'une voix faible. « C'est-à-dire, si vous donnez votre approbation. » M. Harding se demanda un moment quel pouvait être l'homme qu'il aurait à accueillir comme son gendre. 8 jours auparavant, il n'aurait eu aucun doute. Et dans ce cas, il était préparé à donner son assentiment, quoique ce dût être avec tristesse. Maintenant, il savait qu'en tout cas, ce ne serait pas M. Slope, mais il ne pouvait deviner quel pouvait bien être le remplaçant de M. Slope. Un moment, il pensa à Bertie Stanhope, et à cette pensée, le cœur lui faillit. « Eh bien, Nelly ?»« Oh, papa, promettez-moi de l'aimer, pour moi. »« Allons, Nelly, allons, qui est-ce ? Mais l'aimerez-vous, papa ? Ma chérie, j'aimerais qui vous aimez. » Elle se tourna alors vers lui, et lui murmura à l'oreille le nom de M. Arabin. Aucun nom n'aurait pu causer à M. Harding plus de surprise, plus de plaisir. Eût-il cherché lui-même un gendre de son choix, il n'eût préféré personne à M. Arabin. C'était un prêtre, pourvu d'un bénéfice dans le voisinage. Ses opinions étaient celles de M. Harding. Il était un grand ami de l'archidiacre. De plus, il était en tout point un homme selon le cœur de M. Harding. Néanmoins, la surprise de celui-ci fut assez vive pour empêcher l'expression immédiate de sa joie. Jamais il n'avait eu l'idée de rapprocher le nom de M. Arabin de celui de sa fille. Jamais il ne s'était figuré qu'il y eût entre eux quelque communauté de sentiments. Il aurait craint plutôt qu'Éléanore, impatiente comme elle l'était, de l'esprit de domination de l'archidiacre ne comprit dans la même aversion les prêtres qui partageaient les idées du docteur Grantly. « Monsieur Arabin ? » s'écria-t-il. « Impossible ! Oh, papa, pour l'amour de Dieu, ne dites rien contre lui si vous m'aimez. Papa, ces choses décidées, il n'y a plus à y revenir. Papa !» Oublieuse Éléanore, où donc était la promesse faite à son père de ne pas choisir de mari sans son approbation ? Elle la lui demandait maintenant, mais après avoir fait son choix. « Oh, papa, n'est-il pas bon ? N'est-il pas noble ? N'est-il pas pieux, généreux ? N'est-il pas parfait ?» Il tenait son père embrassé, le suppliant de consentir à cette union. « Mon Éléanore, mon enfant, ma fille, oui, il est bon, il est noble et généreux. Il est tout ce qui mérite l'amour d'une femme, l'admiration des hommes. Il sera mon fils. Il aura dans mon cœur la même place que vous. Mon Éléanore, ma fille, que je suis heureux de votre bonheur. » Il est inutile de nous arrêter plus longtemps sur cette entrevue. Peu à peu, on revint au sujet des propositions faites à M. Harding. Éléanore s'efforça de lui prouver, comme l'avaient fait les Grantly, que son âge ne l'empêcherait pas d'être un excellent doyen. Mais ses arguments avaient moins de poids encore sur lui qu'auparavant. Il répondit peu de choses et resta assis, plongé dans ses réflexions. De temps en temps, il donnait un baiser à sa fille et disait « oui » ou « non » ou « sans doute » ou « je ne puis être de votre avis, ma chère ». Mais il n'affirma rien quant à l'acceptation ou au refus du titre offert. Il s'étendait, autant que pouvait le désirer Éléanore, sur les vertus de M. Arabin, sur le bonheur de sa fille. Mais il restait muet, ou à peu près, sur la question du décanat. Il avait en tête une idée. « Pourquoi M. Arabin ne serait-il pas doyen de Barchester ?